C'était l'habitation d'un vieillard dont j'ai parlé ailleurs et qu'on appelait Monsieur de Valmont. Les deux sœurs chez lesquelles il habitait depuis de longues années, sans qu'on lui connût de relation de parenté avec elles, étaient du pays. Elles possédaient pour toute fortune cette maison, ce jardin, ce verger et quelques petits champs de vigne hors de l'enceinte sur la colline de Bussière. Tout était mystère dans l'existence de ces trois personnes. Le mystère aiguisait la curiosité, mais cette curiosité ne fut jamais satisfaite. Nul n'entrait dans cette maison, nul n'en sortait. Il n'y avait pas un voisin ou un paysan du village qui eût échangé en sa vie une parole ou un salut avec les habitants. Moi seul, je connaissais un peu plus que de vue M. de Valmont, mais non les deux sœurs. Il venait quelquefois à la ville, passer une semaine ou deux de l'hiver. Pendant ses courts séjours, il rendait visite, en costume alors très décent et même recherché, à mon oncle. Cet oncle était un amateur exquis de science et de littérature. Il ouvrait sa maison à tous les hommes distingués de la province.